Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, 4 décembre 1984, le danger chimique. Cet après-midi, les médecins épuisés confiaient aux journalistes qu'ils ne pourraient pas sauver tous leurs patients. Certains, les poumons rongés par le poison, sont trop gravement atteints pour espérer survivre à la nuit prochaine. D'autres garderont à jamais dans leur chair les séquelles de la tragédie. La police et l'armée, appelées à dégager les routes des carcasses d'animaux qui les encombrent, découvrent encore à chaque instant des morts dans des huttes abandonnées autour de l'usine. Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984, en Inde, la ville de Bhopal, à 600 km au sud de Delhi, découvre avec horreur le revers du miracle industriel. Un nuage toxique s'empare des rues de la capitale de l'état du Madhya Pradesh et fait des milliers de morts. Son origine, l'usine de pesticides Union Carbide, ouverte 14 ans plus tôt grâce à un partenariat avec les États-Unis. Dans ses locaux, des ouvriers indiens y fabriquaient de l'isocyanatane de méthyle, ou MIC, une solution chimique qui se transforme en gaz mortel si elle chauffe. De la dynamite liquide, en d'autres termes. En cette nuit de décembre 1984, 3864 personnes perdent la vie selon le bilan officiel. Mais la vérité approcherait bel et bien les 25 000 morts dans des conditions épouvantables, victimes de l'un des pires accidents industriels de l'histoire. Depuis, les damnés de Bhopal continuent de revendiquer leurs droits et de lutter contre l'entreprise américaine qui nie toute responsabilité. C'est David contre Goliath. 36 ans après la catastrophe, l'eau des nappes phréatiques d'une partie de la ville est toujours contaminée, les enfants jouent dans des déchets toxiques et les nouveau-nés présentent des anomalies graves. Notre invité aujourd'hui, Javier Moreau, auteur en 2001 du livre « Il était minuit 5 à Bhopal », ouvrage de référence sur la catastrophe, écrit avec son oncle Dominique Lapierre. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Constance Villanova, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. En 1965, le sous-continent asiatique connaît une sécheresse historique. Pendant un an, les plantations virent au brun. La terre se craquelle. La pluie n'arrive pas. Le fléau de la malnutrition cible les villages agricoles isolés où les paysans se suicident en masse. Les images de gamins au ventre arrondi par la malnutrition ou de visages enfantins émaciés par la faim envahissent journaux et télévisions. Dépendant des moussons, soumise aux ravages commis par les pucerons, l'Inde est menacée par la famine. Mais le pays d'Indira Gandhi se relève. Il parvient à nourrir sa population en doublant sa production agricole de blé et de riz. C'est la révolution verte qui n'a d'écolo que le nom. Car il s'agit plutôt de standardiser, moderniser, produire plus pour stocker en prévision des intempéries et favoriser la recherche en agronomie pour créer des semences plus résistantes. Évidemment, les multinationales occidentales flairent l'aubaine, dont le mastodonte américain Union Carbide Corporation, ou UCC, créé en 1898 aux États-Unis. L'entreprise produit et distribue des produits chimiques, plastiques, gaz, piles, pesticides, carbide, touche à tout. Toutes ces choses, le gaz dans l'ampoule, le plastique, les fibres chimiques, l'alliage métallique, l'antigel, les produits chimiques dans les nettoyants, les vernis, la lampe de poche et ses piles, oui, même l'énergie nucléaire. Tout cela et bien d'autres bonnes choses encore viennent de Union Carbide. L'Inde est un pays qu'Union Carbide connaît très bien. À la fin des années 20, l'entreprise y implante à Calcutta une fabrique de piles. Là où le trust américain s'installe, l'espoir renaît. L'offre d'emploi explose et bien souvent, les salaires qui les accompagnent dépassent largement la rémunération moyenne des Indiens. En 1947, lors de l'indépendance du pays, l'entreprise poursuit ses activités grâce à la création de sa filiale indienne Union Carbide India Limited, LUCIL. Dans les années 60, quand l'Inde cherche à atteindre l'autosuffisance alimentaire, Union Carbide se précipite. Et quand en 1969, la multinationale américaine propose de créer une usine de pesticides dans l'état du Madhya Pradesh, les autorités indiennes déroulent le tapis rouge. C'est dans la capitale de l'état, Bhopal, qu'une première fabrique modeste sort de terre. Bhopal, 300 000 habitants, cité historique et verdoyante du cœur de l'Inde, fondée au XIe siècle, bordée par deux grands lacs et fleurie par d'anciennes mosquées et palais, c'est l'une des plus belles villes du pays. La première usine de 2,5 hectares naît. Entre ses murs, les employés récupèrent le produit emblématique d'Union Carbide pour le créer à partir d'un composant, ce qu'on appelle le sévin. Ce pesticide miracle, découvert en 1957, est présenté aux Indiens comme un remède à l'ancestrale malédiction de la faim. Une formule chimique qui rime avec espoir, composée essentiellement d'isocyanate de méthylou émissé. Ce liquide doit être stocké à basse température, car à partir de 39 degrés, il risque de se transformer en gaz mortel. À noter que le MIC chauffe au contact de l'eau. Une vraie bombe à retardement, on le verra. En 1977, le gouvernement de New Delhi impose à la filiale indienne d'Union Carbide la construction d'une nouvelle usine qui fabriquerait elle-même ses propres pesticides. Le projet est titanesque, mais alléchant pour la maison mère américaine, attirée par un bassin qui compte des millions d'agriculteurs. Buffle travaillant dans les champs, l'éternel Gange, éléphants ornés de bijoux qui défilent. Aujourd'hui, ces symboles de l'Inde ancienne coexistent avec un nouveau spectacle, l'industrie moderne. L'Inde a élaboré de nouveaux plans audacieux pour bâtir son économie et promettre un avenir radieux à ses quelques 400 millions d'habitants. Mais l'Inde a besoin des connaissances techniques du monde occidental. Par exemple, en collaboration avec des ingénieurs et des techniciens indiens, Union Carbide a récemment mis à disposition ses vastes ressources scientifiques pour aider à construire une grande usine de produits chimiques et de plastique près de Bombay. Partout dans le monde libre, Union Carbide s'est activement engagée dans la construction d'usines pour la fabrication de produits chimiques, plastiques, carbone, gaz et métaux. La famille d'Union Carbide est heureuse d'utiliser ses connaissances et ses compétences en partenariat avec les citoyens de tant de grands pays. Une main tendue vers l'avenir, Union Carbide. Les travaux démarrent en 1978. La nouvelle usine s'étale sur une surface de 60 hectares, à 5 km de la ville de Bhopal et à 1 km de la gare sur l'Esplanade Noire. Elle doit produire 5000 tonnes de pesticides par an, dont du sévin et son composant mortel, le MIC. Des cuves en acier de haute résistance serviront à stocker le produit. Trois réservoirs de MIC ont une capacité pour chacun de 68 000 litres. À l'aube des années 80, les cheminées de l'usine défigurent la végétation luxuriante caractéristique de la région. Début mai 80, Warren Anderson, le PDG d'Union Carbide, débarque en Inde. Prêt sur le côté impeccable, lunettes rondes, silhouette athlétique, l'archétype du col blanc américain inaugure la production indienne des premiers litres de MIC. Les premières gouttes d'un fleuron de l'industrie chimique, selon lui, les prémices d'un désastre, selon l'histoire. Très vite, l'usine attire. D'abord pour les salaires qu'elle distribue et pour l'eau et l'électricité qu'elle apporte. Alors, la population de Bhopal explose. Les 300 000 habitants des années 60 passent à 671 000 en 81 et atteindront les 800 000 en 84. Les plus précaires s'installent aux portes de l'usine dans le bidonville de Kashikan, entre Bhopal et Carbide, où l'insalubrité règne. Pas de plan d'urbanisme dans ce slum où les petites baraques de tôle faites de briques et de brocs s'accrochent à même les grilles du terrain appartenant à Carbide. Pourtant, les signes avant-coureurs du danger ne manquent pas. Le 25 décembre 81, une fuite de gaz de phosgène, l'un des composants du MIC, provoque la mort d'Ashraf Khan, salarié de Carbide, et en blesse deux autres. Le jeune homme est mort d'un œdème pulmonaire dû à l'inhalation du gaz mortel. En tout, ce ne sont pas moins de 5 fuites de gaz qui surviennent entre 81 et 83 dans l'enceinte de l'usine, soit un mort, 47 blessés et 670 000 dollars de dommages. Toutes sont dues à des fuites de gaz, toutes passées sous silence. Enfin, pas vraiment, car dès le début de l'année 80, des lanceurs d'alerte tentent de se faire entendre. Face à l'inertie de la direction quant aux questions de sécurité, le médecin d'entreprise donne sa démission. De leur côté, les syndicats de l'usine essayent d'attirer l'attention sur ces défaillances. Un journaliste local alerte l'opinion et les autorités dans des enquêtes publiées dans les colonnes d'un journal indie, Rapat Weekly. Les titres du reporter Jashkumar Keshwani, plus alarmants les uns que les autres, se succèdent dès septembre 82. « De grâce, épargnez notre ville », écrit-il. Puis, Tocquevillesque, il écrit « Nous sommes assis sur le cratère d'un volcan. Si vous refusez de comprendre, nous serons réduits en poussière. » En 1984, il est interviewé en Inde pour Antenne 2. Donc, vous pensez que les autorités connaissaient les dangers de ce site ? Bien sûr, je les ai informés tellement de fois. C'était écrit noir sur blanc, c'était imprimé dans les articles. Et la question a même été soulevée à l'Assemblée et le gouvernement l'a rejetée. Cela prouve que le gouvernement savait. Mais les journalistes et les avertissements du journaliste restent lettre morte. De ce côté, Ian Carbine ne propose aucun plan d'évacuation aux populations pauvres qui se sont installées au pied de l'usine. Le gouvernement de l'État non plus. Ceux qui habitent la ceinture de Toldi qui encercle Carbine n'ont jamais entendu parler du MIC. En mai 82, une inspection détaillée conduite par des ingénieurs de la maison mère d'Ian Carbine révèle 10 déficiences sérieuses dans les systèmes de sécurité de l'usine de Bhopal. Des équipements manquent, d'autres sont mal entretenus. 2 ans après son inauguration, l'usine d'insecticides de Bhopal devient déficitaire. Les stocks ne se vendent pas. Alors, aux États-Unis, on demande sa fermeture. Le gouvernement indien refuse cette mauvaise publicité qui risquerait de faire fuir les investisseurs étrangers. USIL, la filiale indienne, décide donc de réduire ses frais d'exploitation de manière drastique. Directeur de l'usine de Bhopal quitte ses fonctions. Un directeur financier qui n'a aucune connaissance dans le domaine des produits chimiques prend le relais. Il a passé toute sa carrière dans les piles électriques. Et selon lui, il faut rééquilibrer les comptes. Un tiers du personnel est donc licencié. L'équipe qui œuvre avec le composant dangereux MIC passe de 12 à 6 employés. Et celle de maintenance, de 6 à 2 ouvriers. Un seul salarié est à la gestion de la salle de contrôle. En 84, 2 manquements à la sécurité relevés par la délégation américaine d'ingénieurs n'ont pas été corrigés. Le personnel en effectif réduit est mal formé, il manque d'équipements d'entretien comme des vannes ou des rivets pour colmater les fuites, les manuels d'entretien en anglais ne sont pas traduits en hindi. Fin 84, toutes les conditions sont donc réunies pour la catastrophe. Bhopal, 3 décembre 84, 22h. Moanlal Varma, 29 ans, quitte le deux-pièces qu'il partage avec ses frères et les tumultes de la vieille ville. Il s'apprête à prendre son service de nuit à l'usine Carbide. Cette usine, il la connaît comme sa poche. Il a rejoint ses rangs en 77 en tant que stagiaire dans la toute première fabrique usine de Bhopal, plus modeste que le colosse sorti de terre en 1980. 7 ans plus tard, après avoir suivi une formation sur le MIC, il est nommé opérateur dans cette unité. Mais depuis 6 mois, Varma est en conflit avec la direction qui lui refuse une augmentation de salaire. Cette nuit-là, son service commence à 23h le dimanche soir et doit se terminer à 6h45 le lundi matin. Arrivé sur l'esplanade noire, Moanlal Varma poinçonne sa carte. Comme d'habitude, une nuit comme les autres dans l'usine Union Carbide de Bhopal. À ceci près que quelques heures plus tôt, une erreur a été commise, fatale. À 21h15, alors que le précédent opérateur lave à grand dos un tuyau contenant du MIC, il ne se rend pas compte que la vanne qui relie le tuyau au silo 610 est mal fermée. L'eau coule dans la cuve. La température monte inexorablement et le liquide se transforme en gaz mortel. Quand Moanlal Varma prend son service à 22h50, l'eau se déverse depuis 1h30 dans le réservoir rempli désormais à 70% de sa capacité de MIC, mais la pression contrôlée est normale. RS. Bien, Varma rejoint alors la salle de repos pour boire un thé avec ses collègues. La pièce est attenante à celle de l'unité de MIC. Alors on discute entre camarades, on discute de Bhopal, on prend des nouvelles. Quand peu à peu, une odeur de chou bouilli s'échappe de la fenêtre, les yeux de Manlal Varma commencent à piquer. Cette odeur, c'est celle de l'isocyanate de méthyle. Il le raconte à une association de victimes. Nous avons signalé la fuite MIC à l'assistant de production. Le directeur de l'usine est assis là, dans la salle de contrôle. Les deux nous répondent qu'il s'agit d'une panne et qu'il n'y a donc aucun risque de fuite. Ils ne prennent pas l'alerte très au sérieux et rétorquent « Ok, pas de problème, nous verrons après le thé ». Le directeur de l'usine est allé fumer une cigarette près de la barrière de sécurité, car ce n'est pas autorisé dans les locaux de l'usine. Il est maintenant environ 00:30. Avec le superviseur, nous nous rendons au MIC. L'opérateur, Camparia, a reçu l'ordre de pulvériser de l'eau sur le point de fuite. Le superviseur n'a pas été en mesure de localiser la source de la fuite. Vers 00:50, la fuite devient vigoureuse et commence à sortir de la conduite atmosphérique de l'épurateur de gaz. La sirène se déclenche. À cause de la sirène, l'équipe d'urgence arrive dans l'unité MIC. Ils essaient de contrôler la fuite par une pulvérisation massive d'eau. Je les aide jusqu'à ce que les conditions deviennent insupportables. Avec d'autres travailleurs, je quitte la zone de l'unité MIC dans la direction opposée au vent. Lorsque le directeur de l'usine revient de sa pause cigarette, il ordonne que la sirène soit arrêtée. Il est alors 1h du matin quand nous apprenons que le rejet toxique affecte les communautés à l'extérieur de l'usine. Nous nous disputons avec le directeur pour redémarrer la sirène. Il refuse, en disant que cela ne servirait à rien. La pression du réservoir 610 est trop forte. 1000 litres d'eau se sont déversés dans la cuve qui se met à trembler. Le couvercle en béton du réservoir se fend, la valve de sécurité explose. Un brouillard toxique s'abat sur les ouvriers de Bhopal qui ne peuvent rien faire pour contrer l'horreur. La torchère, capable de brûler le gaz, est éteinte. L'épurateur de ventilation ne fonctionne pas. Le système de réfrigération a été fermé pendant 6 mois avant la catastrophe. La majorité des systèmes de sécurité sont défaillants. Le nuage toxique peut s'échapper de l'usine inéluctablement. À 3h du matin, Manlal Varma aperçoit les habitants s'amasser à la grille de l'usine, l'écume aux lèvres, pour chercher de l'aide auprès du dispensaire de l'entreprise. Le médecin tente de soigner sommairement ses premiers blessés qui étouffent. Quand le jeune salarié d'Ion Carbide apprend que le nuage se dirige dans le quartier où vit sa famille, il se précipite chez lui. Autour de l'usine, c'est l'hécatombe. Des corps, partout. Cette habitante de Bhopal en témoigne au micro d'Alexia Gaillard pour France Inter en 2009. Cette nuit-là, nous dormions lorsque le gaz s'est échappé de l'usine. Nous avons été réveillés par un voisin qui a tapé à notre porte. Il nous a dit « Levez-vous et fuyez, tout le monde est en train de mourir ici ». Dès que nous avons ouvert la porte, le gaz s'est engouffré dans la maison. Nos yeux se sont mis à brûler, nous ne pouvions plus respirer. Tout notre corps brûlait de l'intérieur. Et bien sûr, nous ne comprenions rien. À l'extérieur, une foule de gens, complètement désorientés, qui couraient dans tous les sens. Dans la panique, certaines personnes ont laissé leur famille sur place. La douleur était si forte qu'ils en oubliaient jusqu'à leurs propres enfants et ne pensaient qu'à sauver leur peau. Vers 2h du matin, le chaos et l'effroi envahissent les rues de Bhopal. La population est prise au piège. Les enfants suffoquent. Les plus âgés s'effondrent, les yeux brûlés, les poumons noyés. Et un mouvement de panique envahit la ville. Ce qui augmente bien sûr le nombre de victimes. Les plus faibles se font piétiner par ceux qui veulent fuir. Le nuage, qui atteint environ 100 mètres d'envergure, se composant de MIC et d'autres gaz, progresse. Oui, il continue sa route, près du sol, attaquant en premier lieu les enfants. D'autres quartiers de la ville, plus aisés, finissent sous sa coupe. Puis la gare, la Railway Colony de Bhopal. L'hôpital, lui, est saturé face à la fuite d'essai. Alors, fermer ses fenêtres, se munir d'un mouchoir mouillé à porter près de sa bouche et son nez, et surtout prendre la direction opposée du vent. Jamais, non, Jamais Lennon Carbide n'avait trouvé utile de donner aux habitants qui vivaient au pied de l'usine ces principes de précaution de base en cas de fuite. Plus diabolique encore, pendant cette nuit d'horreur, l'entreprise américaine n'a communiqué ni aux autorités indiennes, ni au personnel soignant de la ville, la composition des produits traités dans l'usine et celle du nuage toxique. La multinationale n'a pas non plus transmis l'information sur un éventuel antidote. Alors, cette nuit-là, le corps médical de Bhopal s'arrange comme il peut avec du lait, des gouttes, de l'eau. Seuls les médecins légistes parviennent à analyser les causes du décès des personnes intoxiquées lors d'autopsie. Toutes ont été victimes d'un œdème du poumon. Aziza Sultan, qui travaille aujourd'hui dans une clinique pour survivants de la catastrophe, se souvient du cauchemar. Je me suis réveillée en toussant. Chaque respiration était comme si je respirais du feu. Mohsin, mon bébé, a commencé à tousser. Toute notre famille toussait et gémissait. Ma belle-mère a dit que nous devions aller à l'hôpital Hamidia. Rien n'importait à parcourir. Dehors, un épais nuage blanc enveloppait tout. Notre famille s'est séparée. L'hôpital Hamidia était encore à 2 kilomètres. Avec mes 2 enfants, nous sommes tombés par terre et nous nous sommes allongés juste là. J'étais enceinte de 2 mois. J'ai fait une fausse couche en plein milieu de la rue. Mon corps était couvert de sang. Nous avons recommencé à marcher et nous sommes arrivés à l'hôpital Hamidia vers 2h ou 2h30. La route était si épaisse de cadavres que les gens n'avaient d'autre choix que de marcher dessus. Bilan établi par le gouvernement de Madhya Pradesh, 3824 morts. Mais seuls les individus identifiés ont été comptabilisés. L'UNICEF, présente sur les lieux, évaluait le bilan de cette nuit d'horreur à 25 000 décès. Les rues de la ville sont jonchées de cadavres, sans compter les blessés qui rampent. La crainte s'empare à nouveau des familles décimées par le gaz toxique, tétanisées à l'idée de rentrer chez elles et de se retrouver à nouveau étouffées. Des milliers de victimes s'engagent alors dans un exode sans précédent à travers tout le pays. The sun won't set. le 4 décembre 1984, un essaim d'avocats américains véreux débarque à Bhopal. Après le temps des larmes, voici venu celui du marchandage. On cherche des victimes, des clients potentiels, on profite de leur colère, on leur fait miroiter des dédommagements colossaux, évoquant un procès contre Union Carbide qui n'aura jamais lieu. Et du côté de la filiale indienne, on rejette la faute sur la maison mère aux États-Unis. Le 4 décembre matin, Warren Anderson, le président d'Union Carbide, entre dans la salle de conférence du siège de l'entreprise basée dans le Connecticut. Les visages de ses associés sont tiraillés par la fatigue, défait. Label, UCC occupait encore le troisième rang mondial de sociétés de produits chimiques. 700 installations industrielles dans 138 pays, 117 000 salariés. Après avoir suivi heure par heure l'évolution de la tragédie, Warren Anderson demande à ses collaborateurs de faire preuve de transparence. Oui, il promet d'enchaîner les points de presse, il répondra aux journalistes. Le discours se rôde. Je suis Warren Anderson, PDG de Union Carbide, et je voudrais vous faire quelques remarques. La tragédie de Bhopal est terrassante pour nous tous à Union Carbide. Et il va sans dire que nous éprouvons une peine énorme pour le peuple de Bhopal qui a souffert. Contre l'avis de son épouse et de ses collaborateurs, Warren Anderson décide de se rendre aux côtés des victimes à Bhopal. On lui rappelle tout de même que quelques mois plus tôt, Indira Gandhi a été assassinée pour avoir volé bien moins de vies. Ce départ en Inde l'expose à beaucoup de risques. Mais Anderson s'obstine. Cette initiative lui donnera l'image d'un PDG responsable qui assume les conséquences du désastre. Objectif de ce coup de com', ne pas faire fuir les actionnaires. Anderson atterrit à Bhopal le 7 décembre 1984 aux côtés du directeur d'Union Carbide India Limited et de son directeur général. C'est le chef de la police de Bhopal lui-même qui les accueille à la sortie de l'avion pour les escorter. Les poignées de main sont chaleureuses. L'Américain prend place à bord d'une ambassadeur avec ses associés indiens. La sécurité est de mise, bien sûr. La voiture évite journalistes et potentielles émeutes. Et arrivé dans la maison d'hôte appartenant à sa société, deux escadrons de police attendent le PDG d'Union Carbide et ses collègues pour leur annoncer qu'ils sont mis en état d'arrestation. Pouvez-vous nous dire qui vous avez arrêté? Mr. Manohar and Mr. Anderson. You've arrested Mr. Anderson. Vous avez arrêté Monsieur Anderson, le PDG de la compagnie. Yes, yes. 3 heures seulement après son arrestation, Warren Anderson, le PDG du CC, est libéré sous caution et rentre illico aux États-Unis. Un mandat d'arrêt est déposé contre lui en Inde. Il n'y mettra plus jamais les pieds, même si les victimes demandent son extradition. Dehors, la colère gronde. Deux procédures judiciaires sans fin débutent. Celle de l'État du Madhya Pradesh contre Union Carbide et le gouvernement indien, et celle du gouvernement indien contre Union Carbide et le gouvernement des États-Unis. Du côté de l'esplanade noire, on entame le démantèlement de l'usine Miracle. Mais qui est responsable du désastre ? Trois semaines après la catastrophe, le médecin en chef d'Union Carbide publie un communiqué de presse. Il n'y a plus aucun danger, les victimes vont guérir. Mais la direction n'a toujours pas transmis au personnel soignant la composition du nuage chimique. Elle ne le fera jamais. Ce communiqué est un tissu de mensonges. Car la mort continue de courir dans les rues de Bhopal. L'eau est contaminée, l'herbe que broute le bétail est toxique, les cultures sont empoisonnées. L'entreprise et le gouvernement indien mènent des opérations de nettoyage lacunaires. Les oubliés du décompte officiel font légion. Le système nerveux de ceux qui ont été exposés aux nuages est rongé par la maladie ou par le cancer. Ces populations déjà pauvres et précaires ne peuvent plus travailler. La pollution entraîne des anomalies chez les nouveau-nés. Mais Union Carbide et Warren Anderson se dédouanent de toute responsabilité. Le 26 mars 84, le PDG dénonce le sabotage d'un employé de l'usine qui aurait voulu se venger et qui serait derrière la tragédie. Son nom ? Mohanlal Varma, oui, celui qui dans la nuit du 2 au 3 décembre avait demandé à ce que l'alarme ne soit pas coupée pour prévenir les habitants. Alors l'aide s'organise. Des cliniques sont construites, des humanitaires comme Mère Teresa se rendent sur place. En 1985, un syndicat d'ouvrières victimes de Bhopal se crée. Elles réussissent à faire rouvrir des ateliers pour retrouver un emploi. Mais les manifestations s'enchaînent. Une forme d'activisme inédit soutenue par des réseaux internationaux prend forme. Torture-moi. Enflamme une torche devant mes yeux. Déverse de l'acide dans ma gorge. Arrache le tissu de mes poumons. Noie-moi dans mon propre sang. Étouffe mon bébé jusqu'à mourir devant moi. Montre-la-moi lutter contre la mort. Estropie mes enfants. Fais de la souffrance leur seul camarade de jeu. Ne m'accorde rien. Saccage ma santé, que je puisse plus nourrir ma famille. Regarde-nous mourir de faim. Dis que cela n'a rien à voir avec toi. Ne demande jamais pardon. Empoisonne notre eau potable. Provoque la naissance de monstres parmi nous. Fais-nous maudire Dieu. Retarde la croissance des enfants. Pendant 18 ans, ignore nos cris. Apprends-moi que ma rage est inutile comme mes larmes. Prouve-moi qu'il n'y a pas de justice dans le monde. Tu es une riche société américaine et je ne suis qu'une femme de Bhopal. Ce n'est que le 14 février 89 que la Cour suprême indienne rend son verdict. La partie américaine doit verser 470 millions de dollars. Chaque victime répertoriée, soit 33 000 personnes, aurait reçu environ 500 dollars d'indemnité. Une somme évidemment dérisoire quand on la compare aux autres dédommagements dus à des catastrophes, comme en 2010, l'explosion de la plateforme Deepwater Horizon. BP a vu s'acquitter d'une amende de 42 milliards et demi de dollars pour une catastrophe écologique qui a fait 11 morts. Là, Union Carbide est dégagée de toute responsabilité civile et pénale. En 1999, le géant américain disparaît après son rachat par un autre géant, Dow Chemical. Ce rachat complexifie d'autant plus la procédure judiciaire qui bénéficiait déjà largement du flou juridique qui entoure la responsabilité des entreprises. Dow Chemical affirme qu'elle n'a rien à voir avec la catastrophe et peut à tout moment liquider Union Carbide pour clore le dossier indien. La Cour de New Delhi, la Cour suprême, rouvre les poursuites contre la multinationale. Aujourd'hui, les ONG estiment à 570 000 le nombre total de personnes intoxiquées à des degrés divers depuis 30 ans. Les déchets enfouis dans le sol continuent de se répandre dans les nappes phréatiques et contaminent les habitants. 30 personnes meurent chaque mois à cause du cuivre, du zinc et du plomb. Les damnés de Bhopal s'étendent sur 3 générations. En 2009, pour France Inter, Alexia Gaillard a interrogé Sanjay Verma, l'un des survivants de la catastrophe. Nous sommes derrière l'usine d'Union Carbide. Et les gens vivent ici. Il y a beaucoup de communautés autour de l'usine. L'intérieur de l'usine est abîmé parce que les enfants y entrent, souvent en cachette. Ils s'amusent, ils ramassent des objets qui traînent et ils jouent sur un sol contaminé. Parce que là, c'est illégal en fait de vivre ici. Ce n'est pas bon de vivre ici. Toutes les communautés qui sont installées sur le site, après la catastrophe, l'ont fait en toute illégalité. Alors vous voyez là à droite, il y a une pompe pour l'eau souterraine. 2 filles sont en train de tirer de l'eau. Cette eau est très contaminée. D'après ce que je sais, la nappe phréatique est contaminée dans un rayon de 7 à 8 km autour de l'usine. Il aura fallu attendre 2011 pour que Bhopal puisse bénéficier d'eau propre et de robinets. Mais l'eau des nappes phréatiques arrose encore les cultures. En 2014, le nouveau Premier ministre, Narendra Modi, promet de poursuivre la lutte du côté des victimes de Bhopal. Une promesse de campagne jamais tenue. C'est en cette même année 2014 que Warren Anderson, le PDG d'Union Carbide, meurt dans sa villa de Floride sans jamais avoir été jugé en Inde. En 2009, son entreprise avait sponsorisé un concert géant de 24 heures, le Live Earth Run for Water. Objectif du spectacle, réveiller les consciences autour des origines et des conséquences de la crise de l'eau. Later on, Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui, la catastrophe de Bhopal dont nous allons parler avec notre invité, Javier Moreau. Bonjour. Bonjour, Patrick, bonjour. Bonjour, vous êtes écrivain, vous habitez en Espagne et vous avez publié en 2001 un livre, une somme d'ailleurs, avec votre oncle Dominique Lapierre, le livre intitulé « Il était minuit 5 à Bhopal », le Dominique Lapierre de Lapierre et Collins, hein, dont les livres ont marqué nos adolescents, je pense au Cinquième Cavalier, au Jérusalem, Un arc-en-ciel dans la nuit, enfin bref. Est-ce que c'est une tradition familiale de s'intéresser à l'Inde, ou je vais vous poser la question de façon différente, pourquoi avoir écrit sur cette catastrophe, celle-là? Eh bien, écoutez, oui, moi j'aimais beaucoup l'Inde, j'avais déjà écrit 2 livres sur l'Inde, j'avais aidé Dominique et Larry dans leurs enquêtes, j'avais aidé mon oncle dans l'enquête sur la Cité de la Joie aussi, et j'étais très sensibilisé aux questions écologiques, j'avais créé un livre sur le Brésil, sur l'Amazonie, et je voulais faire un projet sur Tchernobyl. Sur ça, Dominique arrive et me dit, écoute, tu préfères pas faire un projet en Inde, et tu préfères pas, il m'a dit exactement ces mots, est-ce que tu ne préfères pas les merveilleux repas indiens au lieu de manger des patates bouillies en Ukraine. Il m'avait un peu convaincu comme ça. Mais finalement, oui, moi j'adorais l'Inde et je n'attendais qu'une opportunité pour y retourner. Et puis surtout, on a fait Bhopal parce que Bhopal était tombé dans l'oubli. Oui. On avait oublié Bhopal. Mm. Alors que Tchernobyl, il y avait quand même beaucoup de ONG, des associations de victimes. C'était politiquement beaucoup plus important puisque ça touchait un pays de race blanche, pas très loin, et qui touchait l'Europe, et dont les conséquences directes touchaient l'Europe. Alors que Bhopal, c'était la lointaine Inde, et les victimes, finalement, étaient les plus pauvres des pauvres. Alors que Seveso, on l'a beaucoup plus retenu, parce que c'est en Italie, notamment. Oui. Voilà. Alors, Seveso, oui, aussi, oui. Oui, qui a été comme une grande catastrophe chimique. Comment s'est passée votre enquête sur place? D'abord, combien de temps êtes-vous resté? Moi, j'ai passé 7 mois fixe à Bhopal. C'était une longue enquête. Dominique faisait la partie américaine. Moi, je faisais la partie indienne. Je suis resté 7 mois. J'ai découvert, c'était pour moi un des moments les plus magnifiques de ma vie, je dois dire. J'ai découvert, c'est là où j'ai découvert vraiment l'Inde, l'amour pour l'Inde, mais profond. J'ai interviewé, je ne sais pas combien de dizaines, de centaines de victimes. Et puis surtout, on essayait de récréer qu'est-ce qui s'était passé, parce qu'on ne savait pas, le raconter. Mais oui. D'abord, on ne savait pas ce que c'était une usine chimique. Il a fallu d'abord qu'on apprenne le béaba d'une usine chimique. Et puis après, moi j'avais été aux États-Unis, j'avais essayé d'entrer dans le siège de Union Carbide à l'époque. J'avais été foutu dehors, mais juste à la porte, un peu plus, on me tabasse directement à l'entrée. Quand j'avais prononcé le nom de Bhopal, il voulait rien savoir. C'était très difficile de trouver des gens qui vous parlent, qui vous expliquent qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là quand même. Alors ça a été très long. Je me souviens que finalement, j'ai eu le nom d'un ingénieur indien qui était à la retraite, qui habitait un petit village au nord de Bombay. Et j'étais le voir. J'ai dit peut-être que les Indiens vont parler, puisque du côté américain, il y avait pas moyen d'obtenir quelconque information. Mais oui. Alors, et je suis arrivé chez cet homme qui dirigeait une fabrique de savon dans un village près de Nashik, qui est au nord de Bombay. Et c'était vraiment le désert, un village, et puis surplombé par l'usine. Il me dit, il y a 20 ans que j'attends votre visite, juste en arrivant. Mmh. Bien, ça tombe bien. Et en effet, cet homme me m'ouvre les placards, les armoires, ces armoires métalliques indiennes. Et finalement, lui, il avait gardé tous les documents possibles qu'il avait pu garder. Et il a voulu les partager avec moi. Il s'est assis et il m'a expliqué. Alors, à partir de ce moment-là, on a pu comprendre un peu ce qui s'était passé. Est-ce que ça a été la rencontre la plus marquante que vous avez faite, ce premier témoin qui vous a ouvert les portes de la formation, finalement? Moi, sa phrase, je l'oublierai jamais. Il y a 20 ans que je vous attends. Il me connaissait pas. Mais il savait que tôt ou tard, il y aurait quelqu'un qui viendrait chercher la vérité sur ce qui s'était passé. Et voilà, il s'est trouvé que c'était moi. Et puis après, j'ai eu d'autres interviews marquantes. J'ai eu une interview avec M. Mukon, qui était le grand patron, à la fin, en période de l'accident. Et c'est là où j'ai compris un peu, finalement, un accident de cette proportion, il n'y a jamais eu une cause, simplement. C'est une confluence, une cascade de causes différentes. Mmh. Mais il y avait quand même, on peut dire qu'il y avait quand même quelque chose d'important. Il y a une raison culturelle. Ce monsieur Mukon était un ingénieur brillant, un des premiers de sa promotion du MIT, Massachusetts Institute of Technology, qui est vraiment l'université, disons, de la technologie, le temple universitaire du monde entier. Hein, il avait fait ses études là-bas. Union Carbide l'avait tout de suite engagé, compte tenu qu'il était un des premiers de sa promotion. Et il l'envoie à Bhopal. Lui était un brahmine du Tamil Nadu, un très cultivé, et surtout un grand ingénieur qui offrait, disons, à la filiale indienne la sécurité d'avoir quelqu'un sur place qui avait un pied en Occident et un pied en Inde. Mmh. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Enfin, je vous dis ça en deux mots. Mais oui, parce qu'on a peu de temps. On a très peu de temps. On l'a raconté dans le livre. Ce qui s'est passé, c'est que avec la crise économique, les pesticides ne se vendaient plus. L'usine entre en perte. Ouais. Il faut faire quelque chose. Et la pression se cible sur ce Mukon, qui est le directeur, disons, de l'usine à ce moment-là. Et quelqu'un comme Mukund, il n'aurait jamais accepté cette pression dans un environnement, par exemple, comme l'Amérique ou la France, où on était en Europe. Mais en Inde, finalement, en Inde, on accepte sa pression. En Inde, on se voue à la hiérarchie. Si le conseil d'administration de la filiale vous dit il faut couper il faut sauver de l'argent, il faut couper les frais, il faut faire un programme pour, et bien lui il a sacrifié la sécurité pour la profitabilité de l'entreprise. Et vous dites, c'est ce qu'on lui demandait. C'est ça qui est culturel pour le coup. Moi, c'est culturel, parce que je suis sûr que lui, dans un autre environnement, n'aurait jamais réussi comme ça, n'aurait jamais réagi comme ça. Oui. Il aurait réagi comme ce qu'il était, un ingénieur de MIT. Et là, il a réagi comme ce qu'il était aussi, donc, ça un veut brahmin dire... indien. Ça veut dire que parmi les causes de la catastrophe, il y a cette approche-là, une approche culturelle. Oui. Alors, oui. On va... Moi, j'ai trouvé cet aspect très intéressant. Mais oui, absolument, vous faites bien de le mettre en avant. On ne l'avait pas mis en avant dans le récit, mais les invités sont là pour ça, justement. On se retrouve dans 3 minutes, après avoir écouté Gaël Faye qui chante... Respire. Respire. Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil. Ok. Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Petit chef grand bourreau, faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis, triste face à face. Poursuite du bonheur, reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs. Ok. Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers, le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais, la vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tous, c'est violent partout, la vie c'est Rambo. T'as le souffle gros, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants. Chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence. Se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes. Ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. Respire. Le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. Ravi Moreau, nous sommes intéressés aux causes de cette catastrophe, à la fois dans le récit avec les éléments que vous nous avez apportés. Alors, intéressons-nous maintenant aux conséquences. Cette catastrophe a fait naître une forme d'activisme, de militantisme encore très actif aujourd'hui. On va écouter une archive ensemble et on en parle après. L'organisation Justice Campaign for Bhopal en fait partie de cet activisme-là et fédère plusieurs groupes de victimes de la catastrophe à travers le monde. Nous avons interviewé pendant 2 minutes sa coordinatrice en Inde, Rachna Dhingra, qui a raconté à Constance Villanova d'Affaires Sensibles son combat et les raisons de son engagement au sein de l'organisation. Je travaille avec les survivants du massacre de Bhopal, l'un des plus gros accidents industriels survenu en 1984. Comme la majorité des gens, j'ai cru que c'était un événement qui s'était produit 36 ans auparavant, une nuit. Quand j'ai découvert, il y a 17 ans, que le désastre continue pour les habitants, aujourd'hui encore. Les survivants de Bhopal ont toujours pensé que les autorités, le gouvernement et les entreprises n'ont pas le droit moral de parler du désastre. Ils ne sont pas représentatifs du point de vue des survivants. C'est pour cela qu'il est très important que le monde sache ce qu'il s'est passé et que ce n'est pas un événement qui n'a duré qu'une nuit. C'est pour cela que nous avons rassemblé le plus de preuves possible. That's why we have put as much documentary evidence to show. Prime Minister Modi has been the biggest friend of the corporation of Dow Chemical, their business. Le Premier ministre Narendra Modi est le meilleur ami des industriels de Dow Chemical. Leur activité a bondi dans le pays. Notre Premier ministre a rencontré Dow Chemical, notre Premier ministre a rencontré Trump et n'a pas dit une seule fois « Votre entreprise n'obéit pas à la loi de notre pays ». Thousands of tons of toxic waste, can you imagine, in this city, sitting, and which has contaminated the groundwater of... Des milliers de tonnes de déchets toxiques sont déversés dans cette ville. Pouvez-vous imaginer cela? Et cela contamine l'eau de plus de 100 000 personnes. Cela fait naître des bébés avec des malformations. Donc que demander? Quelle justice? C'est d'abord le nettoyage de ce terrain par Dow Chemical. Ce sont des compensations financières adéquates et pérennes pour les victimes exposées au gaz. Research into people who have drank that contaminated water for more than 35 plus years. De la recherche pour ces gens qui ont bu cette eau contaminée pendant plus de 35 ans. Une responsabilité pénale, qu'il y ait l'ouverture d'une enquête contre ces industries et qu'elles se montrent au tribunal pour assumer. Que de choses hein, sont dites par Rachna Dhingra, Javier Moreau. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je la connais bien, Rachna, elle est formidable. Ils sont formidables, ces gens. Ils demandent simplement une chose, que la justice soit faite. Parce que la différence entre Bhopal et les autres désastres, par exemple un tremblement de terre qui fait X centaines de milliers de morts, c'est que après le lendemain du tremblement de terre, la reconstruction recommence. Oui. Alors que Bhopal, ça ne finit jamais. Il n'y a pas eu cette coupure. Il n'y a pas eu le moment où on peut recommencer, refaire une vie, sortir de cette injustice énorme. Et pourquoi? Parce que l'usine n'a jamais voulu donner vous mentionnez ça avant, l'usine n'a jamais voulu donner les composants du gaz qui a causé l'empoisonnement massif, parce que ça équivalait à comme s'ils étaient coupables. Mais oui. Alors, ils n'ont jamais voulu donner ça, parce qu'ils ne pouvaient pas le donner non plus légalement. Du point de vue légal, donner pour qu'un antidote soit fabriqué, ça équivalait à admettre la culpabilité. Donc, en fermant cette porte-là, on a fermé pour toujours la possibilité que ces victimes soient, qu'on découvre le syndrome, disons, de l'empoisonnement de Bhopal, qu'un antidote puisse être préparé pour qu'on puisse vraiment commencer à les soigner. Javier Moreau. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Oui. Des petits-fils des victimes de Bhopal qui naissent avec des problèmes. Javier Moreau, je suis désolé, on va considérer cela comme le mot de la fin, parce que malheureusement, c'est vraiment, vraiment la fin de notre émission. En tout cas, merci pour votre témoignage et vos éclairages. Au revoir. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la catastrophe de Bhopal, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Clément Vuillet qui était à la technique aujourd'hui. Et c'est parti pour le moment le plus délicieusement périlleux de la journée, l'accueil d'Antoine Decaune, qui va sévir dans 5 minutes. Fabrice, je sais que vous adorez Lucky Luke. Ah oui, ça c'est vrai. J'adore. Bien. Eh ben alors vous allez adorer le pop-pop-pop qui arrive, parce que nous recevons Jules, le papa adoptif du petit Lucky. Top.